Nous sommes arrivés à Sourate al-Duha, qui est une sourate pré-égyrienne qui a été révélée à la Mecque. Donc, al-Duha, certains voient que c'est la 11e sourate qui a été révélée du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala dit: وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَالَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, comme c'est connu, qui est le seul qui a le droit de jurer par ses créatures. Nous avons déjà parlé de cela. Et ici il jure subhanahu wa ta'ala par al-duha. Al-duha, c'est le jour montant. C'est un moment dans la matinée. Nous connaissons tous la salat al-duha, qui est donc le moment de la matinée. Et par la nuit, quand elle couvre tout. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala a juré par la journée, l'aube qui s'étend partout, dont sa lumière se répand partout, et la nuit qui couvre tout quand elle arrive, c'est-à-dire dans ces moments-là où se passent des actions des êtres humains, la journée et la nuit. Comme quand Allah Ta'ala il jure par wal asr, par le temps, ici par la nuit et le jour, c'est-à-dire les moments dans lesquels les actes des êtres humains sont faits. Naam. Wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Il est clair que Allah tabaraka wa ta'ala, depuis qu'il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une éducation spécifique, wa ra'ahu, il s'est occupé de lui d'une manière spécifique sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis qu'il s'est occupé de lui, il ne cesse, subhanahu wa ta'ala, de le préserver et de s'occuper de lui et de l'éduquer, sallallahu alayhi wa sallam. Ma wadda'aka rabbuka, c'est-à-dire, depuis qu'Allah t'a pris en charge, il ne t'a pas délaissé. Subhanahu wa ta'ala. Donc ton Seigneur ne t'a ni abandonné, wa ma qala, c'est-à-dire, wa ma abghadaka. Il ne t'a pas détesté. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala ici nie le fait qu'il ait détesté le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, c'est pour affirmer son contraire, c'est-à-dire qu'il l'a aimé. Et nous savons tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'être le plus aimé d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quand on nie un manquement, le fait de nier quelque chose, ou un attribut ou une caractéristique qui peut être mauvaise, ce n'est pas une louange en soi. Nier une mauvaise caractéristique, c'est une louange quand on affirme son contraire dans la perfection ou dans la complétude. On connaît cela pour ceux qui ont étudié l'aqidah dans les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les noms et les attributs d'Allah. Quand on nie certains attributs de manquement à Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour affirmer son contraire dans la perfection. Quand Allah ta'ala dit qu'il ne dort pas, c'est-à-dire son contraire, c'est qu'Allah huwa hayy. C'est lui qui a la vie parfaite subhanahu wa ta'ala et complète. Wadih. Qu'il est éveillé, c'est lui qui s'occupe de tout, subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté, donc, que ce soit dans le passé, et jusqu'à maintenant, Allah ta'ala ne t'abandonne pas, et il te préserve. Donc, cela montre Comment Allah tabarak wa ta'ala, il a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a donné une protection et une éducation spécifique. Donc ça, ça parle de l'état passé. Comment Allah tabarak wa ta'ala a été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah ta'ala ne t'a pas abandonné et ne t'a pas détesté. Maintenant, il va lui parler de ce qui concerne le mustaqbal, le futur. Donc, Allah Ta'ala lui a rappelé que dans le passé, il ne l'a pas abandonné, et qu'il l'a aimé, qu'il ne l'a pas détesté, et lui annonce aussi la bonne nouvelle de ce qui va se passer pour lui dans le futur qui est, et la vie dernière, t'es certes meilleure que la vie présente. Et subhanallah, il est clair que pour un croyant, la vie dernière est meilleure que la vie présente. Alors qu'allons-nous dire du meilleur des croyants et le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la place que prend une qaws, un arc au paradis, c'est mieux que tout ce bas monde et tout ce qu'il contient. Tremper son doigt dans la mer et le retirer, qu'est-ce qu'il en reste? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce bas monde par rapport à l'au-delà, c'est comme quelqu'un qui trempe son doigt dans la mer puis il le retire. Qu'est-ce qu'il en a pris? Rien. Ça, si c'est en général, alors qu'allons-nous dire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans sa maladie de laquelle il mourut, il était sur son lit de mort, il était fatigué. Parfois quand il trouvait de la force, il allait prier avec les musulmans. Et il s'est levé un jour, est allé s'asseoir sur le mimbar, comme c'est rapporté dans le Bukhari. Et il a dit, il y a un serviteur parmi les serviteurs d'Allah, à qui on a donné le choix entre lui ouvrir les plaisirs et les délices de ce monde et l'au-delà. Et il a préféré l'au-delà. Et il a préféré l'au-delà. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, qui était dans l'assise, il a dit, on te sacrifierait, on sacrifiait pour toi nos pères et nos mères, au messager d'Allah. On sacrifierait pour toi nos pères et nos mères. Et les gens l'ont regardé, n'ont pas compris. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il a ce vieillard à parler? En parlant d'Abu Bakr, qu'est-ce qu'il raconte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un serviteur, on lui a donné le choix entre ce monde et l'au-delà, il a préféré l'au-delà. Pourquoi il dit on sacrifierait pour toi nos pères et nos mères? Il avait compris que c'était l'annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait partir. Et c'est lui qui avait le mieux compris, radiallahu anhu, cela. Et c'est lui qui a été le plus ferme au moment aussi de cette musiba, de ce malheur terrible. Il n'y a pas un malheur qui a touché la Ummah plus que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car il était là pour, quand on divergeait, trancher, nous enseigner. C'était une miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce malheur-là, il y en a beaucoup qui ont perdu la tête, qui ont été perdus de perdre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, Abu Bakr al-Siddiq est monté sur le minbar et il leur a fait un prêche bien connu, où il leur a dit, celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort. Et celui qui adorait Allah, alors Allah est le vivant qui ne meurt jamais. Et il leur a récité les versets. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Quand il a récité ces versets, Omar a dit « Wallah, c'est comme si j'avais jamais entendu ces versets. » Pourtant, il les récitait, il les connaît. Subhanallah, comme il n'avait pas prêté attention. Donc Allah, tabaraka ta'ala, a dit dans le sens des versets, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, « Mohammed n'est qu'un messager et des messagers avant lui sont passés. Est-ce que quand il mourra, ou bien s'il meurt ou il est tué, vous retournerez sur vos pas ?» Celui qui retourne sur ses pas, فَلَيْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا. Certes, il ne nuit en rien à Allah. وَسَيَجَزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala sera reconnaissant envers ou bien sera récompensé en bien les reconnaissants. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam khuyira. On lui a donné le choix. وَهَذَا شَأْنُ الْأَنْبِيَاءِ. Les messagers, on leur donne le choix. تَأَدُّبًا. Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné à Malak al-Maut, à l'ange de la mort, cette politesse avec les messagers et les prophètes. De leur poser, de leur donner le choix. Est-ce qu'ils veulent rester sur terre ou est-ce qu'ils veulent retourner chez Allah, hein? Et, alhamdulillah, les messagers, bien sûr, ce sont ceux qui détestent le plus ce monde et qui aiment le plus au-delà. Quand on leur donnait ce choix, que la mission était terminée, le seul désir qu'ils avaient, c'était retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala donne le choix aux prophètes et aux messagers avant de mourir. Est-ce qu'ils préfèrent que les largesses de ce bas monde, ils restent dans ce bas monde, ou bien qu'ils retournent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et sans aucun doute, ils préféraient tous retourner auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula » donc il parle de la demeure dernière, mais l'akhira, en arabe, ça veut dire ce qu'il vient après. Ça peut prendre aussi le sens que même dans ce bas monde, ce qui va venir après comme situation pour toi, il sera mieux, ces situations-là seront mieux que les situations dans lesquelles tu es actuellement. Non. Et c'est ce qui s'est passé. Allah Ta'ala a toujours élevé et a établi sa religion jusqu'à ce qu'il l'aide sur ses ennemis, qu'il le raffermisse sur ses pas et qu'il établisse l'islam. Et que, alhamdulillah, la Mecque, elle s'est rendue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est entrée en islam. Et elle a laissé la péninsule arabique sur l'islam et le chemin de la prédication ouverte. Donc, il a complété sa mission sallallahu alayhi wa sallam, puis il est retourné auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Et ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Il a été rapporté un hadith sahih où la cause de la révélation de ce verset, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il a préparé des dizaines de palais au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Avant cela, dans le premier verset, quand Allah ta'ala dit ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dans le deuxième verset, ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni détesté, il y avait une femme de Quraysh, ça aussi c'est rapporté bisanadin sahih avec une chaîne de transmission authentique, une femme de Quraysh. Quand Jibril alayhi salatu wa salam, il avait, entre la dernière révélation et le moment où il a révélé Surat al-Duha, il y a eu un moment, un laps de temps. Une femme de Quraysh a dit, son Seigneur l'a abandonné. Ou, mais elle n'a pas dit son Seigneur, elle a dit son shaitan, il l'a abandonné. En parlant de Jibril alayhi salatu wa salam. Et Allah, il a révélé al-Duha. Il a révélé al-Duha, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il va donner au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est beaucoup mieux et il sera satisfait sallallahu alayhi wa sallam, car il va lui donner la meilleure des places au paradis, la meilleure des places le jour du jugement dernier, quand tous les prophètes vont dire nafsi nafsi. Quand les gens vont se retourner le jour du jugement dernier, dans le moment de difficulté et de peine et de peur, voir chacun des messagers parmi Ulul Azmi min ar-Rusul, ceux qui étaient sur la fermeté, dotés de fermeté et de volonté, qui sont les meilleurs parmi les messagers, et chacun va dire d'aller voir autre que lui, jusqu'à ce qu'ils aillent voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala va lui inspirer des louanges spécifiques. Et il va lui dire, Muhammad, ya Muhammad. Et alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se prosterner, il va lui dire, lève ta tête, demande, on te donnera. Et intercède, ton intercession sera écoutée. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadhihi shafa'atul 'uzma. La grande shafa'a, la grande intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il intercédera que ce jour terrible, que le jugement, il commence. Car rien que rester comme ça dans l'attente, les gens, ils ne savent pas ce qui va se passer pour eux, c'est terrible. C'est effrayant. Non. Puis Allah tabaraka wa ta'ala lui rappelle, Alam yajidaka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Il était orphelin. Son père est mort avant sa naissance et il a perdu sa mère quand il n'était encore qu'un jeune enfant. Après, il a été accueilli chez son grand-père, Abdul Muttalib. Puis aussi, quand il était jeune, avant d'être pubère, il est décédé. Puis, il a pris sous son aile son oncle, Abu Talib. Allah tabaraka wa ta'ala l'a accueilli et lui a facilité quand il était orphelin. Pourquoi ici, Allah tabaraka wa ta'ala, en arabe, il n'a pas dit fa'awaka? Pourquoi il n'a pas utilisé le pronom « il t'a accueilli » Il a plutôt dit, subhanahu wa ta'ala, il t'a trouvé orphelin et il a accueilli, en général. Les savants disent pour deux raisons. Premièrement, une raison de rime. Car comme on voit ici, tout finit avec un alif, marsoura. Donc, pour rester dans les rimes. Mais il y a un sens aussi, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala dit, fa'awa, il t'a accueilli. C'est pas il t'a accueilli. Il t'a accueilli et il accueille tous ceux qui suivent ton chemin. Ça reste large. Il ne l'a pas spécifié seulement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى. Puis, il t'a trouvé égaré. فَهَدَى. Et il a guidé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était illettré. Il a été envoyé dans une communauté illettré. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans plusieurs versets, il dit, tu ne le connaissais pas avant cela. Tu ne savais pas ni ce qui était le livre ni la foi. Et dans d'autres versets, où Allah tabaraka wa ta'ala lui dit qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'était la guidée. Et Allah tabaraka wa ta'ala lui a enseigné. Et il a enseigné à sa communauté, à ceux qui l'ont suivi. C'est pour ça qu'il dit aussi fahada, il n'a pas dit fahada ka. Allah ta'ala n'a pas dit il t'a trouvé égaré, puis il t'a guidé. Mais il a plutôt dit il t'a trouvé égaré, puis il a guidé. Ça reste général. C'est-à-dire, il a guidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la connaissance du livre et de la sunna, la révélation, des règles religieuses, etc. par la révélation. Et il a guidé aussi tous ceux qui sont égarés. Ceux qui ont suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont suivi les enseignements du livre. Et il t'a trouvé pauvre, alors il a enrichi. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au début de l'islam, il a subi les difficultés, où ils ont subi aussi le blocus. Ils n'avaient même pas de quoi manger. Et après, Allah tabaraka wa ta'ala lui a ouvert les portes des victoires, des batailles et des butins. Et tout cela est revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Donc il a enrichi les musulmans par cela. N'est-ce pas? Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il l'a trouvé pauvre, il l'a trouvé nécessiteux, il l'a enrichi, subhanahu wa ta'ala, et il a enrichi tous les musulmans qui étaient aussi pauvres, qui étaient dans la difficulté, qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a vu après comment l'islam s'est répandu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais après sa mort, de la Chine jusqu'à l'Andalousie. Est-ce que vous avez déjà vu un empire dans le monde qui a été aussi vaste que cela? Même l'empire romain, l'empire byzantin, l'empire perse, ils n'ont pas atteint ces distances-là que l'empire musulman a atteint en très peu de temps. Donc après qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui ait rappelé tous ces bienfaits qu'il lui a donnés, quand Allah tabaraka wa ta'ala donne des bienfaits, il faut être reconnaissant envers ces bienfaits. Répondre à ces bienfaits-là, à ces facilités-là, par la reconnaissance. Donc Allah tabaraka wa ta'ala lui a rappelé, maintenant qu'il lui a rappelé tous ses bienfaits, alors l'orphelin ne le maltraite pas. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Ne le maltraite pas. Quand toi tu étais orphelin, Allah tabaraka wa ta'ala t'a accueilli. Toi et vous les musulmans, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne maltraitez pas l'orphelin. D'ailleurs, combien de versets sont venus enjoindre d'être bons envers l'orphelin et de ne pas mal le traiter et de ne pas s'approcher de ses biens en mal. D'ailleurs, celui qui mange le bien des orphelins injustement, il mange du feu de l'enfer. Qui est considéré comme orphelin en islam? C'est l'enfant qui a perdu son père avant la puberté. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, c'est en réponse de أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a accueilli? Donc, toi, l'orphelin, ne le maltraite pas, ne le repousse pas avec dureté. Quant au demandeur, ne le repousse pas. Ici, le demandeur, ça vient en réponse à quel verset auparavant ? L'a guidé. Il t'a trouvé égaré, il t'a guidé. Donc, celui qui vient demander sur l'islam, celui qui vient poser des questions, celui qui veut apprendre l'islam, ne le repousse pas. Ne le rejette pas. Enseigne-lui. Transmets-lui. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé cela. Bashiru wa la tunaffiru. Yassiru wa la tu'assiru. Annoncez la bonne nouvelle et ne rebutez point les gens. Facilitez et ne rendez pas les choses difficiles. Donc, le demandeur de religion, le questionneur, il ne doit pas être rejeté. On doit lui répondre. D'ailleurs, Allah tabaraka wa ta'ala a pris le pacte avec ceux qui ont reçu le livre, c'est-à-dire la science, de ne pas taire cette science et de la transmettre. Quand Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et quand Allah a pris le pacte de ceux qui ont reçu le livre, vous allez l'exposer aux gens et vous n'allez pas le taire. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que la personne qui tait une science qu'il détient d'Allah subhanahu wa ta'ala sera ressuscité le jour du jugement dernier avec un carcan de feu. Cette interdiction-là de repousser le demandeur de questions, elle n'est pas absolue. Il y a des cas dans lesquels le demandeur peut être repoussé ou bien peut être réprimandé. Le cas où la personne qui demande est un fattan, est quelqu'un qui cherche le trouble et la dissension entre les savants ou entre les étudiants dans la science. Il vient, il demande à un savant, il demande à un autre, il demande à un autre pour pouvoir mettre la zizanie entre les savants. Celui-là, on le repousse avec dureté. Celui-là, on lui apprend la politesse. On lui apprend comment on demande la science. Quelqu'un aussi qui vient et qui ne respecte pas une assise de science. Ou qui pose une question inappropriée, ou qui pose une question qui peut être mal comprise par les gens dans l'assise. Et le alim, le savant, voit que c'est pas une maslaha, c'est pas un intérêt d'énoncer ce sujet, c'est un sujet qui dépasse la compréhension des gens. Donc il le tait. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à cela, à faire attention. Il a dit dans le hadith sahih rapporté par l'imam muslim, tu ne parles pas aux gens d'une chose que leur raison n'atteint pas, sans que ce ne soit pour certains d'entre eux une tentation. Et d'ailleurs, Ali radiallahu anhu a dit, parlez aux gens selon ce qu'ils sont capables de comprendre. Voulez-vous que les gens traitent de mensonges Allah et son messager? S'il y a des sujets qui sont délicats, que la raison des gens n'atteint pas encore, ça peut les pousser à démentir ou à traiter de mensonges des vérités de l'islam. Donc ces choses-là, on peut les retarder pour plus tard. On peut ne pas les dire tout de suite, les taire pour un intérêt. Donc, le alim, le savant, ou bien la personne qui est questionnée, que ce soit un savant ou un étudiant en sciences qui est capable de répondre, s'il voit le maslaha, il voit l'intérêt de ne pas répondre, et un intérêt plus grand de ne pas répondre à cette personne, ou bien de la repousser à cause de son manque de politesse, à cause du fait qu'il cherche la fitna, qu'il cherche ses passions. Par exemple, quelqu'un il questionne plusieurs savants, jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse une fatwa selon ses passions. Et lui, il sait qu'il a déjà questionné un autre savant. Quand il vient le questionner, il dit, me questionne pas. N'as-tu pas questionné avant moi tel cheikh? Pour l'éduquer, pour le remettre dans le droit chemin, de ne pas suivre ses passions. Non. D'autres cas comme ça. Ça revient. On voit souvent ça, ce comportement chez les professeurs, chez les chiouchs, avec les élèves. Parfois, ils voient des élèves avec un mauvais comportement dans l'assise de science, qui prend la parole sans demander l'autorisation, qui se permet de répondre aux élèves à la place du cheikh. Quand une question est posée par un élève, c'est un autre élève, il prend la parole, il répond. Alors il le reprend avec dureté pour l'éduquer, pour que ce soit une leçon pour les autres. As-sa'il, le demandeur, c'est donc tout demandeur. Ici, en premier lieu, le demandeur de science et de guider. Aussi, le demandeur d'argent. Celui qui vient demander de l'argent pour le visage d'Allah, on ne doit pas le repousser. S'il a besoin, on peut l'aider, on l'aide. Mais si on voit que c'est un trompeur, quelqu'un qui en a fait un commerce, c'est une mafia qui fait travailler des gens pour récupérer l'argent, ou bien que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le besoin, c'est une maladie, il est tombé dans la mendicité, sans être dans le besoin, alors cette personne-là, on peut la réprimander et la repousser et la rebuter. Donc, ce verset où Allah tabarak wa ta'ala interdit de repousser et de réprimander le demandeur n'est pas dans l'absolu. À la base, on ne doit pas le repousser, mais il peut y avoir des cas dans lesquels on le repousse. Naam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les, c'est-à-dire parle-en. Si Allah tabarak wa ta'ala a donné des bienfaits, un moyen d'être reconnaissant envers lui, c'est de parler de ces bienfaits qu'Allah nous a donnés. Si en parler, ce n'est pas dangereux pour la personne. Par exemple, si la personne parle de certains bienfaits qu'Allah lui a donnés pour se vanter sur les autres, alors ça c'est haram. Ou bien pour s'enorgueillir et se montrer plus haut que les gens qu'il a en face de lui. Ceci est interdit. Si aussi le fait d'énoncer certains bienfaits devant des gens qui ne le méritent pas, des gens qui ne sont pas des gens de confiance, qui ont une âme mauvaise, des gens jaloux, alors ce n'est pas la peine de leur énoncer les bienfaits qu'Allah t'a donnés, car ils vont te jalouser. Ce genre de bienfaits-là, tu les énonces devant des gens de confiance, que tu sais qu'ils aiment le bien pour toi, qu'ils sont contents pour toi si Allah t'a facilité et t'a ouvert des portes, qui au contraire vont être heureux, car ils te considèrent comme un membre de leur corps, un membre de leur famille. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple des croyants dans les liens d'affection et de fraternité et de miséricorde qui les unissent, c'est comme les liens d'un corps. Si une partie du corps se plaint, tout le corps accourt à son secours par la fièvre et la veille. Donc si c'est un frère qui est comme ça avec toi, oui, tu lui dis, Alhamdulillah, Allah m'a ouvert les portes. Alhamdulillah, j'ai appris des choses. Alhamdulillah, Allah m'a ouvert les portes de la richesse. Et je l'utilise dans le khair. Mais si c'est un jaloux ou quelqu'un qui aime trop ce bas monde, ne lui dis pas. Car il va te jalouser et qu'il peut même te porter le mauvais œil à cause de sa jalousie. Et il y a un hadith où l'authenticité de ce hadith a été discutée. Pas mal de savants du hadith l'ont rendu très faible, mais Cheikh Al-Albani l'a considéré acceptable et authentique. Même ceux qui l'ont considéré faible disent que son sens est bon. Ceux qui ont dit que le hadith en lui-même n'est pas sûr d'être une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent que son sens est bon. C'est-à-dire qu'on peut tirer d'autres textes du Coran et de la Sunna que les leçons à tirer de ce hadith sont réelles. Ce hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Prenez aide à compléter vos projets avec le secret et le silence. Car toute personne qui a un bien, il est jalousé. » Donc, quand on veut faire un projet, il ne faut pas en parler sur tous les toits. Il faut en parler seulement aux gens qui peuvent nous conseiller, les gens de bons conseils. On en parle pour qu'ils nous donnent le bon conseil. Ou on partage cela avec un frère ou une sœur de confiance. On sait qu'il aime le bien pour nous, il va nous aider. Ou bien il va nous aider par le bon conseil, ou bien il va nous aider par le dua, par la dua, l'invocation. Ou bien il va nous aider par les biens, par sa personne, par le temps. Donc c'est une personne qui veut le bien pour nous, qui va nous aider. Dans ce cas-là, on lui en parle. Mais des gens jaloux, si c'est raconté pour se vanter, c'est haram. Et si c'est raconté comme ça pour raconter, il y a des gens, ils sont bavards. Ils aiment bien raconter tout ce qu'ils ressentent. Moi, je les appelle Twitter, ces gens-là. Parce qu'en fait, ils donnent leurs impressions toute la journée, comme les gens sur Twitter. Toute la journée, ils donnent ces impressions. Ah, je suis allé à gauche, je suis allé à droite, je suis bien réveillé, je suis mal réveillé, j'ai dormi. Ah, j'ai rencontré mon ami. Qu'est-ce qu'on en a à faire, Allah yarham al-walidain ? Qu'est-ce qu'on en a à faire de tes impressions ou de tes sentiments ? T'as quelque chose d'intéressant à partager, partage-le. C'est pour raconter ta vie, barakallahu fi. Garde ça pour toi. Farakada, il y a des gens, ils ont besoin de raconter leur vie à tout le monde. Ils ont un surplus de sociabilité. C'est comme ça. Autant il y en a, ils sont trop renfermés sur eux-mêmes. Ils parlent à personne. Secret total. Autant il y a le contraire, il y a l'opposé. Le musulman, il est, inch'Allah, au juste milieu. Il raconte aux gens de confiance, ceux qui peuvent leur être d'une utilité dans le conseil, dans l'aide. Ou bien quelqu'un qui a de la science, il peut le conseiller, il peut lui donner les règles religieuses dans les projets qu'il a. Même les rêves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les rêves, on ne les raconte pas à tout le monde. Quand tu fais un beau rêve, une bichara, une bonne annonce qu'Allah ta'ala te fait dans le rêve, bien que ce n'est pas une certitude un rêve, ça reste toujours dans le sens de l'encouragement. Tu la racontes aux gens que tu aimes, aux gens qui t'aiment, les gens proches, pas à tout le monde. Non.